Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fi darsina al-akhir intahayna min al-bab al-thalith. Dans notre dernier cours, on a fini la lecture du troisième chapitre. Fi al-hath ala talab al-ilm wa al-mudawamati ala talabih. Sur l'importance de rechercher la science et l'importance de la régularité fi dhalik. Al-Imam al-Hibban rahimahullah, il a cité un hadith et des athar an ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ghayrih, كذلك des vers de poésie très bénéfiques. Falhamdulillah. On peut ajouter un hadith qu'on n'a pas cité dans le dars précédent concernant la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et le athar numéro 69. قوله رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أصحابه. فابن مسعود رضي الله عنه il a conseillé à l'umma de faire des efforts dans la recherche de la science avant que cette science تقبض ترفع, avant que cette science elle ne disparaisse. ثم il a montré comment cette science elle disparaîtra. قال وقبضه أن يذهب أصحابه. Le fait que la science elle disparaisse, c'est que les gens de science eux-mêmes y disparaîtront. Et هناك حديث في هذا المعنى في الصحيحين dans صحيح البخاري صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne reprend pas la science en la prenant des cœurs des gens. Là, il reprend la science, azza wa jal, en reprenant les savants, bi qabdi al-ulama, avec la mort des savants. Hatta idha lam yabqa aliman, ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Ça, c'est une fitna azima. Dans certaines contrées, dans certaines époques, il n'y aura plus de savants, fa les gens, ils prendront comme référence des ignorants. Fa su'ilu fa aftu bi ghayri ilm fa dhallu wa dhallu. Ces ignorants, ils seront interrogés sur des questions liées au din, fa ils répondront, ils égareront les autres. Fa hadha al-ilm, c'est une ni'ma azima. C'est la base de notre din, elle est fondée sur hadha al-ilm, sur la révélation. قال الله قال الرسول فالعناية به من أهم الأمور. Donc consacrer son temps à cette science, faire des efforts pour comprendre, pour apprendre, pour mémoriser, pour mettre en application bien sûr. هذا c'est le chemin du paradis comme تقدم معنا dans le cours précédent ولله الحمد. قال الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان البستي رحمه الله ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان. Le quatrième chapitre sur الحث على لزوم الصمت. الصمت c'est le silence. وحفظ اللسان et préserver sa langue. قال رحمه الله أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث إلى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإمام البخاري الإمام مسلم ils ont rapporté ce hadith avec la même chaîne de transmission, An Abi Al-Ahwas. Et vous avez remarqué que Al-Imam Al-Hibban, rahimahullah, كذلك, il a cité ce hadith avec cette même chaîne de transmission. Amma Al-Bukhari, rahimahullah, il l'a rapporté An Qutayb ibn Sa'id. Qala haddathana Abu Al-Ahwas. Amma Al-Imam Al-Hibban, il l'a rapporté An Hamid, An Mansour, قال حدثنا أبو الأحوص. هذا سنمونتخ ماذا؟ سنمونتخ أن البخاري لبي منزلة مشايخ ابن حبان. إلى لا طبقة إلى دون لا كاتيغوري دي مشايخ نعم دو الإمام ابن حبان. أما الإسناد سي لو ميم. أما الحديث فقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ça nous montre أن المؤمن ليس كغيره. Le croyant, il n'est pas comme les autres. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أي le مؤمن, il doit avoir ce comportement. Il doit faire attention. فليقل خيرا أو ليصمت. Ça nous montre أن المؤمن لابد قبل أن يتكلم أن يتحرى. Avant de parler, أخي المؤمن, tu dois être sûr, est-ce que ton kalam c'est min bab al khair? Est-ce que ce que tu vas dire c'est profitable? Est-ce que ce que tu vas dire c'est fondé? Est-ce que si tu parles vi dinillahi azza wa jal concernant la religion, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que des savants de la sunna t'ont précédé dans ce que tu vas dire? Wa illa as-samt. Si on n'est pas sûr, on doit se taire. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Donc celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. فهذا c'est un tambih muhim dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, contrairement à autre que المؤمن, même si c'est un croyant là qu'il a une foi faible, et même bab aula, si ce n'est pas un croyant, robama yatakallam qabla an yatafakkar. Peut-être que cette personne se précipitera à dire des choses mauvaises au lieu de garder le silence, à s'avancer au lieu de prendre du recul, se précipiter au lieu de réfléchir. Fa hadha lisan ma'a sighar hajmi, ce petit organe, quelques centimètres. Lakin, les conséquences de l'action de ce lisan, le fait de parler, elles peuvent être énormes. Kam min an-nas waqa'u fi masa'ib à cause de leur langue. Combien de personnes, ils ont tout perdu à cause de leur langue. Combien de personnes kharajou min al-islam, ils ont perdu le plus grand bienfait, la religion de l'islam, à cause de leur langue. إما سلطي الله سبحانه وتعالى إما أنفكي أترك الله عز وجل. فهذا اللسان, هذا اللسان, ce petit organe, il a des conséquences énormes. وهكذا في الخير, avec ce lisan tu peux prononcer la shahada, tu peux lire le Coran, tu peux faire du dhikr, tu peux conseiller وغير ذلك من أعمال الخير التي يقوم بها اللسان. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل إذا ذكر المطيتين اللتين ذكرتهما قبل إصلاح السرير ولزوم العلم أن يبلغ مجهوده حينئذ في حفظ اللسان حتى يستقيم له, إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العطب. أولا إلى cité les deux premières étapes, les deux premiers chapitres, deux fondements essentiels dans notre din. Islah al-sarira, l'intention, al-tawhid, la sincérité. Et le deuxième chapitre qu'on a vu, walillahi alhamd, le dernier cours, le zoom al-ilm, la science. Hada, ça nous montre mada, ça nous montre que notre din, il est fondé sur hada, sur le tawhid et sur la science. Et bien sûr, la science, ça implique la mise en application. À partir de ce chapitre, le quatrième, qu'on a commencé, Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité beaucoup de bons comportements à adopter, à appliquer, ou des mauvais comportements à délaisser. قال rahimahullah, donc, al-aqil, al-wajib alayhi, si il a compris, il doit purifier son cœur, bitaqwa Allah azza wa jal, il doit faire des efforts pour améliorer, pour corriger son intention. Kadhalik, il doit faire des efforts pour apprendre. Notre din, il est fondé sur l'ilm. On fait pas ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Là, là, bout de min ilm. Obligé d'avoir des connaissances avant d'œuvrer. Si tu as compris, tu dois faire des efforts pour préserver ta langue. Ça nous montre qu'on a corrigé son langage. Faire attention à ce qu'on dit, ça peut prendre un certain temps. Comme les gens, ils étaient habitués à dire des insultes, et avec le temps, ils ont délaissé. Comme les gens, ils avaient pris l'habitude de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec le temps, ils ont délaissé. Hatta istaqam hadha al-lisan. Yastaqim, ça vient du mot istiqam. Fi surat al-fatiha, ihdina sirata al-mustaqim. Yastaqim, c'est la droiture. Hatta cette langue, cet organe, il suit le droit chemin. Qala idhil lisan huwa al-muridu lil-mar mawarid al-atab. Pourquoi? Parce que si on ne préserve pas cette langue, si on ne fait pas attention, cette langue, c'est la cause qui pousse beaucoup de personnes à mawarid al-atab et al-halak. Ça pousse beaucoup de gens à la perdition. Ayyadam billah. Qal wa samt yuksibu al-mahabbata wal-waqar. Sahih, anna samt, le silence, garder le silence. Ça va faire de hada l'insan annahu, il sera aimé auprès des autres. Et kadhalik, il sera respecté. Comme minan nas. Les gens, ils les évitent. Ou ils ne les respectent pas. Ou la yartahoun ma'ahoum. Ils ne sont pas à l'aise ma'ahoum. Limadha li annahoum yatakallamoun kathiran. Bien sûr, min ghayri fa'ida. Beaucoup de paroles, peu de profit. Et celui qui parle beaucoup, il n'y a aucun doute, annahu, il s'expose à l'erreur. Il peut dire une parole blessante. Il peut dire une chose inutile et faire perdre le temps à tout le monde. قال رحمه الله ومن حفظ لسانه راح نفسه. كذلك celui qui préserve sa langue, il va se reposer. لأن si tu parles beaucoup, خاصةً avec plusieurs personnes, فهذا il va te reprocher telle chose. Tu as pris un engagement avec un tel que tu dois respecter. أحياناً c'est difficile. Tu as promis telle chose, etc. comme من أمور que tu vas dire. Et ça va te pousser à ne pas être tranquille. Amma man hafidha lisanahu araha nafsah. Et kadhalik araha ghayra. Tu vas te reposer, tu vas reposer les autres. Qala, warruju' min as-samt ahsan min arruju' min al-kalam. Hada, il n'y a aucun doute. Tu peux dire une chose, et cette chose, elle implique des choses très très graves. Et via dal hal, t'es obligé de faire tawbah, t'es obligé de te repentir, t'es obligé de t'excuser, t'es obligé de détailler, t'es obligé de montrer c'était quoi ton objectif par cette parole. Amma as-samt ar-ruju' an c'est min ashal ma yakun. Maintenant tu t'es tu et tu dois parler, fa parle bi'ilm, il n'y a aucun problème. Qala wa as-samt manam al-aql wal mantiq yaqadhatu. Quand tu te tais, c'est comme si ton aql, ta raison qui est dans ton cœur, c'est comme si elle dormait. Une fois que tu parles, la raison, elle se réveille. Qala rahimahullah wa anshadani al-Quraizi. Aqlil kalamaka wasta'idh min sharrihi. Inna al-bala'a bi ba'dihi maqrun. Ta'ammal hadha al-kalam al-jamil. Aqlil kalamaka wasta'idh min sharrihi. Tu dois essayer de garder le silence et ne parler que s'il y a une faïda, quelque chose de profitable. Même dans, bien sûr, al-mubah, les choses permises dans la loi de parler, lakin ta'ammal qawluhu aqlil. Aqlil, ça vient du mot qalil. Avec quelque chose de peu. Essaye de restreindre, de minimiser hadha al-kalam. Wasta'idh min sharrihi. Wa'a'udhu billahi min shururi anfusina. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, ist'aada min sharri, ou il nous a plutôt appris al-ist'aada min sharri al-a'mal. Et dans un hadith, annahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné al-ist'aada min sharri al-lisan. Et demander à Allah protection contre le mal de nos propres actes. Et kadhalik de notre langue. Souvent, les épreuves que tu subis, c'est à cause de la langue. قال واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون. Préserve cette langue, retiens-la comme si هذا اللسان il était مسجون. مسجون أي en prison. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام ابن مسعود في هذا المعنى. قال وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكم موزون. كلام جميل. كذلك هذا اللسان. أحيانا on fait pas attention, نتكلم et on parle beaucoup. Si on se rappelle de هذا الكلام. إن الكلام عليكم موزون. Et tout ce que tu dis c'est noté. Tu auras des comptes à rendre. Est-ce que ce كلام il est pour ou contre toi? قال فزناه نعم وليكن نعم قال فزناه وليكن محكما ذا قلة إن البلاغة في القليل تكون. ثم قال رحمه الله الأثر numéro 87 il a rapporté عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين منصت واع أو متكلم عالم. هذا الكلام من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه فيه إشارة أن par rapport au كلام tu as deux catégories de personnes. أي on parle في الخير. في الخير ou plutôt tu as deux situations. ثم il y aura plusieurs catégories de personnes. Enfin, les deux situations c'est الإنصات, le fait de se taire. Et la deuxième situation c'est le fait de parler. Enfin, celui qui se tait alors qu'il ne sait pas, alors que s'il parle, ça peut faire des dégâts. فهذا الحمد لله il est à la خير. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا si c'est pas du bien أو ليصمت se taire. قال أو متكلم عالم. Ça c'est la deuxième situation, le fait de parler بعلم. C'est très très important. Donc si on a compris ces deux situations, من الناس tu as بعض الناس qui contredisent la vérité ou يتكلمون بغير علم. Ils parlent sans science. Ou بعض الفساق, ils disent des insultes, ils mentent, etc. مهم, utiliser cette langue في الحرام. هذا لا شك أنه c'est interdit. بعض الناس كذلك, par rapport au كلام, ils connaissent le حق, ils peuvent secourir la vérité, ils peuvent parler et ils se taisent. هذا كذلك c'est حرام. فهذا ça nous montre ماذا? Ça nous montre أن ne pas comprendre de ce chapitre, de ce hadith, de ces paroles de l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, on doit se taire toujours là. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا. Un ordre. Tu dois dire le bien, tu dois faire une nasiha, tu dois montrer la vérité. أما se taire alors qu'on peut parler, conseiller alors qu'on ne pas conseiller alors qu'on a la capacité. فكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الساكت عن الحق شيطان أخرس. Celui qui se tait alors qu'il peut montrer la vérité, c'est un شيطان muet. كما أن celui qui parle بباطل c'est un شيطان qui parle. Bien comprendre هذا. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن لا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه لأن الكلام وإن كان في وقته خطوة جليلة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية. نعم. فchaque chose a sa place. أحيانا il faut se taire. Enfin, on doit apprendre à se taire. خاصة quand مثلا on est dans une assise et واحد ولله الحمد il peut montrer, il peut parler. فأنت si tu peux se taire, والله c'est أسلم لك. الحمد لله celui qui a pris la responsabilité il montre et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. فإحمدالله. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a préservé في هذا. أحيانا il faut parler. أحيانا il faut نتوكل على الله, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on parle et on patiente. قال رحمه الله ومن جهل بالصمت عي بالمنطق أو عي بالمنطق والإنسان إنما هو صورة متمثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان. أي نعم، أي نعم. Et ça, c'est une des différences entre les êtres humains et les animaux, مثلا. أن الله سبحانه وتعالى il a donné هذا اللسان à cet être humain. Cette ni'ma. لكن cette ni'ma, c'est une hujja pour ou contre l'être humain. Imma, ça sera en faveur de l'être humain. يوم القيامة, imma, ça sera contre lui. Là, on doit faire attention, on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et utiliser هذا اللسان إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال والله عز وجل رفع درجة جارحة اللسان على السائر الجوارح فليس منها شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع ولا أعظم ذنبا منه إذا جنى. Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé اللسان, cet organe, sur la plupart des autres organes du corps. Falihada, avec hadha lisan, tu peux faire des ibadat azima, mathalan, prononcer le premier pilier de l'islam, le plus important, l'adoration la plus importante indallah, c'est avec lisan. Wa hakada, la lecture du Coran, kalamullah, c'est avec lisan. Wa hakada dhikr, c'est avec lisan. Wa hakada l'amr bil ma'ruf, c'est avec lisan. Wa nahi 'anil munkar kadhalik. Et pour celui qui ne peut pas avec les mains. Wa hakada an-nasiha, le conseil, c'est avec l'lisan. Et comme min ibadat, tu peux faire avec la langue. Wa hakada qal, wa la a'zam dhanban minhu idha jana. Lakin celui qui ne maîtrise pas hadha l'lisan, qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, fakadhalik, les péchés les plus graves, c'est avec la langue. Insulter la religion ou Allah azza wa jalla ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la grande mécréance, il n'y a aucun doute. Et كذلك, c'est avec l'isan, c'est avec la langue. كذلك, بعض الناس, ils se moquent, c'est avec la langue. Le mensonge, c'est avec la langue. La calomnie, la médisance, c'est avec la langue. Le mensonge, c'est avec la langue. قال, rahimahullah, أنشدني محمد ابن عبد الله ابن زنجي البغدادي لئن كان مجن اللوم ما أنت قائل قال لا, نعم, on répète. لَإِنْ كَانَ مَجْنَ اللَّوْمِ مَا أَنْتَ قَائِلٌ وَلَمْ يَكُ مِنْهُ النَّفْعُ فَالصَّمْتُ أَيْسَرُ. Si il n'y a pas un profit de parler, فَالصَّمْتُ أَيْسَرُ, ne t'impose pas au-dessus de tes capacités. كَمِنَ النَّاسِ أَحْيَانًا, ils sont hésitants, ils ne sont pas sûrs, et ils parlent, ثُمَّ ils regrettent. Enfin, si ton kalam il n'est pas fondé sur l'ilm, on parle que ce soit dans les choses de ce bas monde, lié au bas monde, de dunya, ou encore plus important, bien sûr, la religion. Le plus simple, c'est de se taire. Et taqaddam ma'ana al-hadith. Qala fala tubdi qawlan min lisanika lam yarud mawaqi'ahu min qabli dhaka tafakkuru. Adi nasiha jamila. Avant de parler, tafakkur. Tafakkur, c'est réfléchir. قال من قبل ذاك التفكر. Avant de parler, réfléchis. أحيانا on se précipite. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a une célèbre parole et on l'a cité كثيرا. Le fait de parler, ça peut être plus dangereux que le fait de tirer avec une arme. بعض الناس, peut-être que ils ont fait du mal aux autres et à eux-mêmes en utilisant une arme, en se précipitant, ils font beaucoup de mal. Robama il blesse un tel, Robama il tue un tel. فعلم أن أحيانا اللسان والله is encore plus grave. ثم الشيخ العثيمين رحمه الله بينا أن الكلام tant que tu te tais, même si tu penses une chose et tu réfléchis ce que tu dis cette chose même là, tant que tu te tais, tu gardes le silence, alhamdulillah, c'est comme celui qui ne tire pas. Tant que tu n'as pas tiré, alhamdulillah. لكن celui qui se précipite, il peut se faire énormément de mal. ثم قال رحمه الله. On passe directement à la page suivante. قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم. كما تقدم معنا. لأن أحيانا on n'a pas le droit de se taire. لكن essaye de mettre que la base c'est le silence, de garder le silence. أحيانا tu dois parler. Un munkar à enlever, un conseil à donner, une bonne parole à ton frère. وهكذا. Et bien sûr, c'est permis de parler tant que ce n'est pas du haram. لكن, احذر de ne pas te précipiter comme تقدم. إلا, قال, إلا أن يلزمه التكلم. Et quand il faut parler, alhamdulillah, tawakkal ala Allah. Vous avez remarqué que ceux qui parlent beaucoup, quand il faut parler, ils ne parlent plus. Les mains, ils sont fatigués. On est des êtres humains. Celui qui parle beaucoup, Obama, arrive à un moment, il faudra parler et ouah, il n'a plus la force. Comme une nas, on peut citer un exemple avec al-ghiba ou al-namim. Combien de gens, ils parlent bighayri haqq sur leur frère. Un tel, il a fait, un tel, il a fait. Et c'est de la médisance, cet exemple qu'on cite. Donc, derrière le dos de la personne. Maintenant, il parle avec une autre personne et il critique un autre. Et kalam, Obama, des longues minutes, Obama, des heures. Somma, quand cette personne, elle est présente, et il faut parler. Il y en a peut-être que ce qu'il disait, c'était vrai. Mais quand la personne est présentée, il faut conseiller. Ben tu trouves que كثيرون من الناس في هذا الحال ils ne parlent pas. Pourquoi ? لماذا ? لأنهم ils ont désobéi Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il a pas guidé leur cœur et leur langue pour pouvoir parler بحق. Ça nous montre qu'on ne doit pas se taire عن الباطل أبدا. Mais il y a une différence entre conseiller son frère face à face et le critiquer. La médisance derrière son dos. قال رحمه الله فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت. تأمل قوله فما أكثر et قوله أقل. Donc ça c'est en général. En général, ceux qui regrettent, c'est ceux qui parlent. أما ceux qui se taisent, en général, ils ne regrettent pas. قال وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. Tout ça, on le répète, c'est pas à l'itlaq. Ahyanan, il faut parler. Lakin, en général, bien sûr, préserver sa langue, c'est mufid jiddan. Lakin, dans certains cas, il faut parler. فقوله وأطول الناس شقاء. Ceux qui ils se feront beaucoup de mal. Que ce soit eux ou aux autres. Et qui seront beaucoup éprouvés à cause de ce péché, la langue. Mais ne butulia bilisan in mutla. Ceux qui parlent beaucoup. Ils ont été éprouvés avec leur propre langue. Même une chèque, ils le disent. La tathabbut la ilm. Pas de science, pas de vérification. C'est pas tout ce qu'on sait qu'on doit forcément dire. Et c'est applicable avec tes enfants, avec tes proches, avec tes élèves, avec tes professeurs, avec tes voisins. Tout ce qu'ils pensent, ils le disent. فَلِهَذَا قَالَ وَأَعْظَمَهُمْ بَلَاءً مَنَ بُتُولِيَ بِلِسَانٍ مُطْلَقٍ. Un lisan qui ne s'arrête pas. قَالَ وَفُؤَدْ مُطْبَقٍ. Et un cœur dur. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا جميعا. ثم قال رحمه الله. On passe directement à la parole de l'imam Nuhibban après le athar numéro 100. Deux ou trois pages après. Et maintenant, le kalam suivant, il ressemble à tout ce qu'on a dit. قال رحمه الله أي أبو حاتم الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه ويعلم أنه إنما جعل له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول رحمه الله. قال هنا أن l'être humain il a deux oreilles et il a une bouche. On doit réfléchir الآن. Chacun de nous a deux oreilles et une bouche. Pourquoi Ibn Hibban رحمه الله قال ليسمع أكثر مما يقول. Pour que tu écoutes plus que tu ne parles. Il y en a, tu as un organe pour parler, une langue, une bouche. Et tu as deux oreilles pour écouter. Ça montre quoi ? Ça montre que tu dois plus écouter que parler. قال لأنه إذا قال ربما ندم وإن لم يقل لم يندم تقدم معنا. قال وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال. والكلمة إذا تكلم بها ملكته وإن لم يتكلم بها ملكها. C'est ce qu'on a cité avec l'exemple de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. الكلمة إذا تكلم بها. Si tu parles, la parole que tu vas citer, قال ملكته. cette parole, elle va te contrôler. C'est plus toi qui as le contrôle. Pourquoi? Parce que la parole, elle est sortie. Peut-être qu'un tel, il va entendre ce que tu as dit et ça va impliquer des choses. Tu dois demander pardon, tu dois t'excuser, tu dois montrer, tu dois... On n'a pas la force de demander pardon, donc ça va causer des péchés, etc. Donc tu deviens un esclave de ta propre parole. Thumma, ça va impliquer les regrets. Tu espéreras dans ce cas ne pas avoir parlé. Lakin, c'est trop tard. Al-kalima idha kharajat kharajat. On répète, c'est comme une balle. Celui qui tire la balle, elle est sortie, c'est trop tard. S'il y a un mort, c'est trop tard. Ce mort, il ne reviendra plus. Qala, wa in lam yatakallam biha malakaha. Si tu te tais, alors que tu penses à dire cette parole et tu sais quoi dire, lakin tu gardes le silence et tu ne te précipites pas, bi idnillahi azza wa jal, c'est toi qui gardes le contrôle de cette parole. Enfin, si, avec le temps, tu t'aperçois que cette parole, en fait, si tu l'aurais dit, ça aurait impliqué telle chose, et avec le temps, tu as compris que la façon de dire cette parole, il faut la changer, etc. Alhamdulillah, tu gardes le contrôle. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Qalu al-ajab, mimman yatakallam bil-kalima, in hiya rufi'at, rubbama dharrathu, wa in lam turfa' lam tadurru, fa kayfa la yasmut. Sahih, dès que tu réfléchis, c'est quelque chose de ajib, comme a dit Abu Hatim, rahimahullah. Ou l'ajab, ce qui est étonnant, anna ba'dahum, ils parlent, ils disent des choses. Alors que cette parole, elle lui fera forcément du mal. Et s'il se tait, il sera préservé de son propre mal. Mais hada, c'est ajib, cet être humain, il dit cette parole. Comme il en a, ils sont conseillés d'arrêter de mentir, d'arrêter de médire, la calomnie, etc. Ma'ahada, ils continuent. Ma'ahannahum, ils savent que ce qu'ils vont dire, ça va leur faire du mal et ça va faire du mal aux autres. Fali'ahada, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve du mal de notre propre langue. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, qu'on fasse partie de ceux qui disent du bien et quand ils ne savent pas, qu'ils se taisent. قال رحمه الله وإن لم ترفع لم تضره هذا تقدم قال ورب كلمة سلبت نعمة. Peut-être que une parole que tu vas dire, Akhil Karim, ça va être la cause que un bienfait il disparaisse. Une kalima. Comme les gens, ils ont dit une parole et ils ont été renvoyés de telle école, de telle masjid, d'un travail, مثلاً, etc. Alors qu'ils étaient fini ni'ma. À cause d'une parole. Belle, encore plus grave, comme a dit le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Inna al-abda la yatakallam bil-kalima ma yatabayyan fiha. Ta'ammal, هنا. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que certains diront des paroles. Il ne fait pas attention. Ça montre quoi? Ça montre de la précipitation. Et ça montre anna hada al-insan, il ne regarde pas assez loin. Qala yazillu biha ila an-nar ab'ad mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Muttafaqun alayh. Cette parole, elle enfoncera cette personne dans le feu. Et la distance, c'est encore plus grand que la distance n'aime entre al-mashriq wa al-maghrib, entre l'est et l'ouest, des milliers de kilomètres. Qala rahimahullah. Il a cité des vers de poésie très profitables. On peut lire le dernier, et juste après la parole qu'on vient de lire. Qala walis-samtu khayrun min kalam bima'tham fakun samitan taslam wa in qulta fa'dil. Toujours le même sens, préserver sa langue. Ne pas prendre de risques pour ne pas regretter. Thumma qala fakun samitan taslam. Si tu te tais, tu seras préservé. Wa in qulta fa'dil. Et si tu parles, parle avec justice. Kama qala Allah azza wa jalla. Wa idha qultum fa'dilu. Ça nous montre on a le droit de parler. Bal ahyanan, c'est une obligation de parler. Lakin si on parle, on doit parler bi'adl. Wa idha qultum, si vous parlez, fa'dilu. On doit parler avec justice, ne pas être injuste. Ba'dannas ahyana ni conseil, ils amplifient la fitna, ils amplifient les problèmes. بعض الناس احيانا يكومبليمونت يزيكزاجير يفل كومبليمونتي لكن يلور مانك شيء من العدل يزيكزاجير بعضهم يكريتيك احيانا لا كريتيك على باز الي فوندي لكن يزيكزاجير ف اون دو افور دو عدل ميم افيك نوز انمي ميم افيك لي زينوفاتور ميم افيك لي كفره الفجره العدل اون با دو اكوزي اون بيرسون افيك اون شوز دون الي انوسانت On n'a pas le droit d'exagérer. Enfin, l'adl, c'est matloub avec nos membres et kadalik, bien sûr, avec la langue. Qala rahimahullah, la page suivante, le vers de poésie numéro 105. Qala anshadani Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi. Anta min as-samti aminu zalal wa min kathir al-kalam fi wajal. لا تقول القول ثم تتبعه يا ليت ما كنت قلت لم أقل يا ليت ما كنت قلت لم أقل صحيح أن بعض الناس يسبخسبت يديز certain شوز ثم يرغبت ثم يزسبر يا ليت ما كنت قلت لم أقل لكن سي تخطار كم من الناس يزون ديفورسي Ou une amitié elle a été coupée, ou un lien de parenté, à cause d'une kalima. Et bardanas, c'est à l'amour, ils ont du mal à accepter le pardon. Certains quand ça se répète. Alors qu'on doit tous faire des efforts. On doit tous faire des efforts. Là, celui qui demande le pardon, on doit lui pardonner. Lakin bardanas, c'est compliqué. Enfin, ne prends pas le risque. Il y en a une fois que tu as dit cette kalima, tu l'as blessé. On m'a demandé pardon. Et s'il n'accepte pas, même si on qadar na'am, il doit accepter. Lakin s'il n'accepte pas, il est fatigué, il a besoin de temps. Ça te fera du mal à toi, akhi al-karim. Faliyada, avant de s'excuser, maîtrise ta langue. Tant que tu maîtrises ta langue, alhamdulillah, tes frères, ils te respecteront, ils t'aimeront, tes proches kadalik. Qala, rahimahullah, juste après les deux vers de poésie qu'on vient de lire, sami'tu Muhammad ibn al-Musayyib. يقول سمعت العباس ابن الوليد ابن مزيد يقول سمعت أبي يقول سمعت الأوزاعي من أئمة السنة رحمة الله عليه أبو عمرو يقول ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة اللسان ما بلي أحد في دينه la plus grande épreuve que l'insan il peut subir dans son din dans sa religion قال من طلاقة لسانه c'est de trop parler صحيح في العلم celui qui parle trop il se fera beaucoup de mal في العبادة celui qui parle trop il se fera beaucoup de mal فلهذا c'est une fitna عظيمة et la première étape c'est de connaître le danger c'est le but de ce dors la deuxième étape c'est de s'améliorer on le répète toujours on a tous des manquements خاصة dans les moments de colère Dans les moments d'excès, كذلك de joie, l'insan doit savoir retenir sa langue. كذلك avec المحب et كذلك avec العدو, on doit préserver notre langue et être juste. قال, on répète, ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. Et avec les efforts, ولله الحمد, هذا ça se corrige. فلهذا الإنسان ne doit pas désespérer. Et hakada bien sûr avec ad-du'a. ثم قال رحمه الله اي la page suivante قال ابو حاتم رحمه الله لسان العاقل يكون وراء قلبه فاذا اراد القول رجع الى القلب فان كان له قال والا فلا والجاهل قلبه في طرف لسانه ما اتى على لسانه تكلم به وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه نعم وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه هذا الكلام il est très très bénéfique لسان العاقل la langue du عاقل le doué de raison يكون وراء قلبه sa langue elle est derrière son cœur qu'est-ce que ça veut dire هذا قال فإذا أراد القول رجع إلى قلبه أي avant de parler il consulte son cœur Sa langue, elle est derrière son cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de parler, il consulte son cœur. Il réfléchit. قال فإن كان له قال Si cette parole, elle est profitable, elle est pour lui. Des hasanat, pour repousser un mal. Ou un kalam ou lillahi l'hamd permis. Fa qal, il a le droit de le dire. Ou illa fala. Si ça peut pousser un mal à des péchés, à la division, etc. Fala. Fa hadha l'hal, on s'abstient. Qal wal jahil. Qalbuhu fi taraf lisani. Amma l'ignorant. Sa langue. Ou plutôt son cœur, il est au bout de sa langue. C'est l'inverse. Son cœur, il est au bout de sa langue. Ça veut dire quoi ? قَالَ مَا أَتَ عَلَى لِسَانِهِ تَكَلَّمَ بِهِ Tout ce qu'il pense, il le dit. Son cœur, il est au bout de sa langue. Il n'est plus derrière. قَالَ وَمَا عَقِلَ دِينُهُ مَنْ لَمْ يَحْفَضْ لِسَانَ Sahih. Celui qui ne préserve pas son dîn, ou plutôt celui qui ne préserve pas sa langue, il y aura des conséquences sur son dîn. قال واللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاء وإذا فسد فكذلك. La langue, si tu la préserves, ولا تتكلم إلا بحق وبعدل وبعلم. Tu fais attention quand tu parles. Ça se verra sur tes membres. Et l'inverse. وإذا فسد أي اللسان, celui qui se précipite, qui a l'habitude de mentir, la médisance et la rêve, ça se voit كذلك sur ses membres. أي سيزاكسيون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان في حديث سأناجو فإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا tous les matins quand l'être humain il se lève Les membres, ils disent à la langue « Ittaqillah vina »« Aïe, crains Allah » Pourquoi ?« Fa innama nahnu bik »« Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta wajajna » Les membres, ils disent à la langue « Si tu suis le droit chemin, on le suivra »« Si tu t'égares, on s'égare » Al hadith, rawahu al-imam al-Tirmidhi et hassanahu al-Sheikh al-Albani alayhim rahmatullah Thumma qala rahimahullah la page suivante, le athar numéro 114 عن ابن مسعود رضي الله عنه ابن حبان الى سيتي الاسناد لا شين دو ترانسميسيون جوسكا ابن مسعود رضي الله عنه قال والله الذي لا اله غيره ما شيء احق بطول سجن من لسان الى جوري رضي الله عنه ان لا شوز كي ميريت لو بلوس كو تو لانفيرم سي تا لانغ ما شيء احق بطول سجن من لسان قال أبو حاتم رحمه الله العاقل يحفظ أحواله من ورود الخلل عليها في الأوقات وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام Ça, ça nous montre la liaison entre ce chapitre et les chapitres précédents. Celui qui parle beaucoup, il peut même faire du mal à son intention, à sa sincérité. Comme il en est Tellement qu'ils parlent et ils veulent se montrer, ils ont un khalal dans un niya. Ils ont un problème dans leur intention. Pourquoi parler ? Tu veux faire telle chose ? On parle des adorations là. Falimada parler. Ou j'ai fait. Limada. Hada. C'est un bœuf. C'est une porte ouverte à l'ostentation. Et l'ostentation, ça fait beaucoup de mal au cœur, comme on l'a vu précédemment. Qala. Wa in ubiha lahu kathratu nutq. ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق. نعم الإنسان يحفظ لسانه. يحفظ لسانه tant qu'il peut. ثم il a rapporté عن إبراهيم التيمي le athar suivant numéro 115 قال أخبرني من صاحب الربيع ابن خثيم أخبرني من صاحب الربيع ابن خثيم 20 عاما لم يسمع منه كلمة تعب الربيع ابن خثيم c'était un homme pieux رحمه الله عليه enfin, ceux qui l'ont fréquenté pendant une vingtaine d'années ils rapportent انهم ils ont jamais entendu une parole de sa part تعب اي ils peuvent lui reprocher une parole كلمه لماذا لان هؤلاء السلف qui étaient à l'époque ils ont compris le danger de la langue et il faisait beaucoup d'efforts pour se préserver. فتأمل 20 عام، نحن à notre niveau les dernières 24 heures. تأمل qu'est-ce que tu as dit. أو cette semaine, depuis le début de Ramadan. فلهذا c'est important de se remettre en question دائما. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est profitable? Est-ce que j'ai été profitable aujourd'hui avec ma langue? Qu'est-ce que j'ai dit? Avec les proches ou avec les autres? قال رحمه الله ثم إلى سيدي لون قصة لا سي كونو لكن elle est ضعيفة منكرة. Une femme qui parlait qu'avec le Coran. À chaque fois que quelqu'un lui parlait, elle répondait avec des versets du Coran. هذا c'est باطل. هذا c'est de l'exagération. Et Allah علم est-ce que c'est vrai. لماذا؟ Il y en a certaines choses, tu dois les dire, elles ne sont pas citées dans le Coran. هذا c'est من التكلف. فالإمام الحبان il a cité cette histoire elle est ضعيفه. نعم, on passe directement à la fin pour conclure. L'avant-dernier athar, le numéro 119, il a cité l'isnad pour la parole de Mouarriq. قال مورق العجلي امر انا في طلبه منذ 20 سنين. اي il a dit رحمه الله عليه ان depuis 20 ans, il essaye de faire une chose. C'est quoi cette chose? Ça montre al-him. Ça montre que l'insan, il doit ne pas baisser les bras. Toujours avoir des objectifs. Bi-idhnillahi azza wa jal, tu réussiras. Tu es éprouvé par un péché, le mensonge, la médisance. Ne baisse pas les bras. Fais des efforts. Ta'ammal hadha al-rajul. أنه durant 20 ans il a essayé de faire cette chose. قال ولست بتارك طلبه. Et il a dit qu'il ne laissera jamais, il ne baissera jamais les bras. قال وما هو يا أبا المعتمر. أبو المعتمر c'est sa cunia. قال الصمت عما لا ينبغي. Quand ils lui ont demandé c'est quoi que tu essaies de faire depuis 20 ans et que tu ne veux pas te délaisser. قال الصمت عما لا يعنيني. أي le fait de me taire concernant les choses qui ne me regardent pas. تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Donc c'est pas min al-adab, ça fait pas partie des bons comportements de parler dans des choses qui ne nous regardent pas. Mais on doit faire des efforts. Quand tu n'es pas concerné par une chose, ihmadillah. Les là ce chapitre qu'on vient d'étudier ensemble, vous avez tous wallahi alhamd compris que le fait de beaucoup parler, ça a des conséquences graves. Encore plus à notre époque, encore plus avec notre situation, avec l'ignorance, avec des faiblesses dans le cœur, etc. Enfin, le fait de beaucoup parler, en général, ça fait du mal. فَلِهَذَا on tire une leçon à عظيمة أن tant qu'on peut se taire, on se tait. فَمَثَلًا une chose qui ne te regarde pas. Ça arrive, مَثَلًا tes voisins, ils ont un problème. Et أنت, ça ne te regarde pas. Si tu peux conseiller, tu conseilles, là, qu'ils rentrent dans leurs problèmes, etc. Ça ne te regarde pas. Fahmadillah. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a préservés. Falihada qal as-santu amma la ya'nini. Ya Rabb. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite de parler quand on doit parler. On a des manquements, on a nous, bihada, il faut parler. On a des faiblesses, on ne parle pas. Mais si on perd notre temps et on gaspille nos efforts dans des choses qui ne nous regardent pas, فربما الإنسان il sera éprouvé أنه il ne peut pas parler quand il faut parler. ثم il a rapporté un autre أثر. قال أخبرنا إبراهيم بن نصر العنبري قال حدثنا علي بن الأزهر الرازي قال حدثنا إبراهيم بن رستم قال سمعت خارج يقول صحبت عبد الله بن عون 25 سنة. ثم نسخة 25 ans. Et dans une autre nusra, قال في الحاجة في المطبوع 15. Dans une autre nusra, 15. قال فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا والله أعلم. Ils ont rapporté, ou خارجة il a rapporté, أنه il a accompagné Abdullah ibn Aoun, un homme pieux, 25 سنة, 25 ans. قال فما أظن, il a dit je ne pense pas que les anges, ils ont écrit quelque chose contre lui. Aïmina, à cause de sa langue, un mensonge, de la médisance, rabaisser quelqu'un, birer les haqs, se moquer, etc. 25 ans. Lire ce genre de livre, c'est très très profitable pour nous. L'imada, il y en a, même si on a des faiblesses, même si on a des manquements, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, et kadhalik qu'on prend haoula comme modèle. Nous, au début, on essaye une semaine. Tout le monde fait des efforts 2 semaines et on fait tawbah wa hakada hatta Allah subhanahu wa ta'ala yifta'a alayna. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fatah. On ne doit pas désespérer. Abwab mughlaqa. Rien n'a des portes fermées. Tu penses que tu ne pourras pas? Lakin, c'est dû à une faiblesse de foi. Wa illa, si on a la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hadi, guide qui il veut. Annahu, c'est le qadir, il est capable de tout. Annahu, c'est le fatah. C'est lui qui ouvre les portes aux abd. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et on doit continuer à faire des efforts. Fal'inaya. Al'inaya bihada al-lisan. Tu dois entretenir cette langue. Tu dois entretenir cette langue avec al-dhikr. Avec qira'at al-Qur'an. Cet organe, s'il n'est pas occupé fil khayr, il sera occupé bil shar. Si on ne l'occupe pas dans le bien, cette langue, elle se laissera aller, elle fera du mal. Khassatan anna ash-shaytan il pousse l'insan à dire du mal. Wa hakda an-nafs al-ammaratu bis-su, notre âme qui nous appelle au mal. Kadhalik, falihada, on doit s'occuper par le bien. On doit s'occuper par la lecture du Coran, par l'ilm, par al-dhikr et kadhalik par ad-du'a. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa at-tawfiq wa nas'aluhu 'azza wa jalla أن يكفينا شر ألسنتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et on passe à la lecture de la fatwa. والحمد لله.